بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله اليوم سنأخذ حديثين وهما الحديث السادس والأربعون والحديث السابع والأربعون لأن شرحهما بحمد الله كثير. Donc aujourd'hui on va prendre le 46e et 47e hadith dont l'explication est assez courte, alhamdulillah. De toute façon le dernier hadith, toutes les explications sont courtes. Je voulais même rajouter un troisième, mais bon, celui de le 48e, inshallah, il prendra encore tout seul, car il est important. Naam. طيب فأولا الحديث السادس وأربعون le 46e hadith qui lui se rapporte aux enivrants, à la consommation de produits enivrants qui font perdre la raison ou ainsi de suite, que cela est illicite et qu'il s'agit là d'une règle générale, bien que le hadith lui les hadiths clairs sont venus pour le khamr, car le khamr à la base en arabe c'est le vin tiré du raisin. Mais le sens voulu est bien plus large. C'est tout ce qui est enivrant, qu'il s'agisse de l'alcool, qu'il s'agisse des drogues ou autre. Tout ce qui enivre est concerné par le jugement de ce hadith. Naam. Faqal. Qala l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, haddathani Ishaq, haddathana Khalid, an Shaybani, an Saïd, ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ثول اليمن فسألوه عن أشربة تصنع بها فقال ما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ عسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة. Donc il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya Abu Moussa al-Ash'ali au Yémen pour enseigner aux gens. Et il fut interrogé à propos d'une boisson qui était fabriquée là-bas au Yémen. Alors il dit, Abu Moussa l'interrogea, quelle est cette boisson? Il dit, El bit'u wal mizru. Alors il dit à Abu Burda, et qu'est-ce que le bit'u? Il dit que c'est un abis de asel, c'est-à-dire une boisson alcoolisée à base de miel. Wal mizru, c'est une boisson alcoolisée à base d'orge. Donc il répondit, rapportant cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce qui enivre est illicite. D'accord, tout ce qui enivre est illicite. Kullu muskirin haram. Naam. Tayyib. Faqala ashir hafizallahu ta'ala. Wa hadha fi lafdhu jami' min alfaz an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jami'a. Ma askara fa huwa haram. Sawa'un min al-kaluniyya aw min ghayriha. إذا أسكر فهو حرام كل مسكر حرام لا يدري ما يقول شيب المجنون. Donc il dit, voici une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui englobe plein de sens également encore, qui est que ce qui enivre est interdit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de détailler et de faire une liste explicite de chaque chose, de chaque produit. À partir du moment où tu connais la base du produit, s'il enivre, alors il rentre dans le hadith, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de l'eau de Cologne, par exemple, ou autre. Car l'eau de Cologne, c'est connu, il y a de l'alcool. Si tu en bois, eh ben, tu vas être enivre. Tu vas devenir ivre. Et à partir du moment où tu deviens ivre, tu ne sais plus ce que tu dis ou ce que tu fais. Tu es presque comme un fou. Et cela dépend également, car on sait que ce n'est pas tout quantité d'alcool absorbée qui enivre de la même façon. Déjà, il y a des gens qui sont habitués à boire, donc eux, il leur faut beaucoup pour arriver au stade où ils ne savent même plus ce qu'ils font. Et d'autres, il leur suffit d'une simple gorgée, ceux qui ne sont pas habitués à boire, pour que les effets néfastes aient lieu sur leur raison. Les gens diffèrent. Et bien entendu, celui qui à la base ne boit pas d'alcool, le peu qu'il boira aura des effets sur lui. Contrairement à l'ivrogne, celui qui est habitué à boire, qui a besoin d'une grande quantité pour pouvoir trouver cette ivresse. Naam. Donc il dit فَقَدْ سَعَفِ إِذْهَابْ مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ عَقْلٍ وَبِهَذَا يَكُونُ سَعَفِ جُنُونِ وَإِذْ كَانَ مَجْنُونًا رُبَّمَا يَقْتُلُ أَقْرَبَ قَرِيبٍ إِلَيْهِ وَقَدْ حَصَلَ هَذَا مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِسْكَارًا يَسْكُرْ فَيَكُمْ عَلَى مُرَأَتِهِ فَيَقْتُلُهَا وَيَقْتُلْ بَعْضَ أَوْلَادِهِ مَعَ أَنَّهُ إِذَا سَكَرَ تَجِدُهُ جَبَّانًا تَلْمَطُهُ يَسْكُتْ وَإِنَّمَا عِنْدَهُ تَيْهِ ويتصور أنه في ذلك الحال يفعل بعض الأفاعيل التي لم يفعلها مية الناس. Donc cela mène à quoi? Est-ce que celui qui consomme des produits enivrants, celui-là s'efforce à se faire perdre la raison? Car en général, le but de boire de l'alcool ou de prendre du drogue, c'est justement l'ivresse. C'est cette ivresse qui est recherchée. Et cette ivresse qui amène à devenir, à rentrer dans la démence, à devenir fou. Et une fois que cette démence s'est emparée de la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il peut arriver au stade où il en tue, par exemple, il peut tuer, être amené à tuer un de ses proches, parmi les plus proches parents. Cela est déjà arrivé à certaines personnes qui étaient ivres, hein. Il a bu de l'alcool, et ensuite, ou autre chose, a consommé d'autres substances illicites parmi celles qui enivrent, et le voilà qui se met à tuer sa femme, ou à tuer certains de ses enfants. Alors que malgré cela, quand tu le vois lorsqu'il est ivre, c'est un lâche. Tu lui mets une simple gifle, et tu le vois qui c'était. Celui qui est sous l'effet de l'ivresse, souvent tu le vois comme ça, faire un tas de comédies. Tu le vois dans un état d'hallucination totale. Il s'imagine qu'il pourrait faire des choses énormes que même 100 personnes ne pourraient pas faire. Et en réalité, il n'y a rien du tout. Naam. فقال ومن هنا يعلم ضرر القات الذي يسبب الفتور يسبب التيه وربما يسبب فسادا في عقل لكثرة مرضي ومضاري ولقلة الغداء عند بعض الناس تجد وجهه شاحبا وكأنه لا يأكل الطعام وتجد أيضا عنده سفهة في ريح حل تغزيله تشك في سلامة عقولهم ولو رأيتهم عند القات وهم مثل البله بعض الناس إذا خرج من دول الخليج إلى اليمن يقول هؤلاء ما هم أودامي هؤلاء وحوش صحيح هذه ما هي حياة أناس متعهم الله بالعقل حياة مجانين وفي حال تخزينه ترى منه عجب العجائب والمخزنون يذكرون هم أنفسهم قصصا مضحكة في هذا. Donc il dit de là, le shir fait allusion à cette plante qui se trouve au Yémen, aussi également en Somalie ou dans certains autres pays, mais surtout au Yémen et en Somalie, dont nous avons déjà évoqué certains points, qui est le qat, qui est une plante qui se mâche, d'accord, et qui est un, comme on dit, un excitant. Et cause également un grand relâchement dans la personne. Et lui cause une forme d'hallucination, un peu comme l'alcool, qui s'imagine dans une situation qui n'est pas la sienne. Hein, également, cela lui détériore sa raison. Et cela pour la mauvaise nutrition qu'il pourrait avoir. Tu vois certains parmi ceux qui mangent des côtes, tu vois le visage tout maigre, comme s'il ne mangeait rien. Le visage creusé. Également, tu vois qu'il a une forme de défaillance au niveau de la raison et de la réflexion. Surtout au moment où justement il consomme de cette drogue, de cette plante. Toi-même, tu doutes, est-ce que c'est une personne qui réfléchit ou pas? Et cela également le rend assez idiot. Et certaines personnes parmi ceux qui sont venus des pays du Golfe en visite au Yémen, lorsqu'ils ont vu ces gens-là en train de mâcher des côtes, ils se sont dit, mais que sont ces gens? Est-ce qu'ils sont des gens civilisés ou des sauvages? Hein, des gens incultes, ainsi de suite. À force de voir, de quoi? De les voir justement dans l'état dans lequel ils étaient en consommant de cette plante. Et comme le Shir dit, cela est vrai. Là, cette façon de vivre n'est pas une vie, hein, n'est pas une vie pour des personnes à qui Allah a octroyé la raison. Là, il s'agit là d'une vie de gens démenés, de fous. Et lorsqu'il consomme de cette plante, tu vois des choses surprenantes de lui. Et les gens eux-mêmes, les consommateurs eux-mêmes, l'avouent, hein, en témoignent et racontent des histoires qui leur sont arrivées, des histoires vraiment hilarantes, après qu'ils aient consommé du coke. Des choses eux-mêmes, lorsqu'ils sont en état, par exemple, de lucidité, ils viennent, ils se confient, ils racontent que lorsqu'ils ont consommé de cette plante, il leur arrivait telle et telle chose, des histoires vraiment, hein, hallucinantes. Non. Et nous rajoutons que ces gens, on va dire, par rapport aux drogues plus dures, à l'alcool, leur but en cela, souvent, de consommer de l'alcool ou de consommer des drogues sous toutes ses formes, quel est leur but en cela? D'oublier la réalité. Leur but en cela, c'est d'oublier la réalité dans laquelle ils sont, car elle est trop dure à supporter pour eux. Tu vois, l'alcoolique, lorsqu'il n'a pas sa dose d'alcool, il ne supporte pas la réalité de la vie. Tu le vois triste, tu le vois coléreux, tu le vois s'en plaint en une situation qui n'est pas acceptable pour lui. Donc de là, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'alcool pour oublier et pour se lâcher, comme on dit. Et également pour le drogué, celui qui consomme des drogues, c'est la même chose. Son but, comme il dit, c'est de planer, comme ils disent eux-mêmes. Qu'ils veulent oublier la réalité, qu'ils veulent oublier ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, la vie qui est autour d'eux. Ils veulent fuir la réalité. Ce sont des gens irresponsables. Et cette irresponsabilité les amène à quoi? À commettre des actes souvent irréparables après avoir été mis en état d'ivresse. Et combien d'accidents de voiture a-t-on vu à cause des alcooliques ou des gens drogués? Combien de bagarres ayant mené au meurtre, hein, ayant mené à des dégâts, voire même des gens innocents qui subissent les conséquences de ces gens-là? Enfin, de là, l'alcool est el-khaba'ith, comme elle a été appelée. L'alcool est la base de tout. Et le jugement qui se base sur l'alcool se base sur toutes les autres drogues également. Non. Donc là, c'était l'explication de ce hadith, qui était le 46e par rapport à la consommation de substances enivrantes, alcool ou autre. ثم قال الحديث السابع والأربعون, le 47e hadith, qui se rapporte à quoi? À la nourriture, à l'excès de la consommation des aliments, le fait de trop manger. Les conséquences fâcheuses que cela pourrait avoir sur la religion de la personne et voire même sur sa santé. Donc le Shir dit, قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه وصلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. Donc le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed رحمه الله تعالى. Selon Al-Mikdam, Ibn al-Ma'di, Karb al-Kindi, radiallahu anhu, qui a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que le fils d'Adam n'a pas rempli de contenant plus mauvais que le ventre. Alors qu'il suffit juste, hein, de quelques nourritures afin de combler son besoin. Et si vraiment cela lui est inévitable, alors qu'il laisse un tiers pour la nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour lui-même, dans son ventre. Et le Shir a jugé ce hadith comme étant daïf, comme étant faible. Car Jabir al-Ta'i, hein, n'a pas entendu d'El-Mekdom et le mot Mardi. Il y a une coupure entre Jabir et le Sahabi. Et également, Shamokbil a cité ce hadith dans son livre qui est Hadith Mu'alla Zahira As-Siha, c'est-à-dire les hadiths qui sont atteints dont l'apparence est l'authenticité. Puis il commença en disant فإنما يتعلق بما جاء في هذا الحديث من قوله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه هذا إذا ملأه من حرام. Donc là, par rapport à la parole que le fils d'Adam n'a pas rempli de contenant plus mauvais que son ventre, cela concerne le fait qu'il remplisse son ventre de choses haram. Hein, de choses haram. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس الذين في آخر الزمان يظهر فيهم السمن معناه أن يكون قصدهم في ذلك التسمن. Également que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit quoi en parlant des gens à la fin des temps, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il apparaîtra sur, chez eux l'obésité. L'obésité sera une chose qui apparaîtra chez les gens vers la fin des temps. Et le but visé par l'obésité ici, c'est le fait que ces gens-là cherchent à devenir obèses, à devenir gros, à devenir gras eux-mêmes. On ne parle pas, par exemple, d'une personne, sa nature est l'obésité. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont été créés de la sorte, ils ne mangent pas forcément plus que d'autres, et pourtant, ils sont de nature à être obèses. Et d'autres, c'est le contraire. Tu les vois, ils sont assez fétiches, ils sont assez maigres. Et pourtant, ils consomment beaucoup de nourriture, et tu les vois, c'est comme ça qu'ils sont formés. Là, le hadith concerne les gens qui veulent grossir volontairement, qui veulent prendre du volume volontairement, qui mangent exprès beaucoup afin de pouvoir prendre de la masse. وقد قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Dans le sens où il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que ceux qui ont mécru jouissent et mangent comme mangent les animaux, les bestiaux, et le feu sera leur refuge. شر الكفار أنهم لا هم لهم إلا إشباع شهواتهم والمؤمنون أنبل من هذا. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مياء واحد وهم المؤمن التقوى بما أكل على طاعة الله. Donc il dit les kuffars, telle est leur situation, hein, qui n'ont d'autre souci que le fait de rassasier leurs désirs, leurs plaisirs, qu'il s'agisse de leurs plaisirs sous toutes les formes, dans le fait de manger, dans le fait de s'amuser, dans le fait d'avoir des rapports, ou même dans le fait de s'enivrer, toutes ces choses-là. Tout ce qui leur cause plaisir, tout ce qui leur amène du plaisir, leur motivation est de la souvenir. Alors que le mu'min, lui, est bien plus haut que cela. D'accord? Le mu'min a plus de scrupules, lui n'est pas là, son but n'est pas là. Et également, comme cela est vu dans le hadith rapporté par Muslim, que le kafir mange dans 7 intestins. Alors que le mu'min, lui, le croyant, ne mange que dans un seul. Et que la motivation du mu'min, son souci, lui, c'est la crainte d'Allah, et taqwa, dans ce qu'il mange, dans ce qu'il consomme, sur l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَلَا مَنِعَ أَنْ يَشْبَعْ مِنْ طَعَامٍ وَالشَّرَابِ الْحَلَالِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ. قال تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كلي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وهي الذين آمنوا مباحة وهي خالصة لهم وهي الذين آمنوا مباحة وهي خالصة لهم يوم القيامة فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم وشبع وقال والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. لما أطعمهم أبو الهيثم التيهان الأنصاري رضي الله عنه والحديث في الصحيح. Donc il dit qu'il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'empêchement à ce que la personne puisse se rassasier de nourriture ou de boisson licite chaque jour plus d'une fois. Cela ne lui est pas interdit. Et là dans le sens il dit qui a interdit les parures d'Allah, celles qu'il a sorties pour ses serviteurs, et les bonnes choses, les bonnes nourritures. dit, elles sont pour ceux qui ont cru en ce bas monde, et spécifiques pour eux le jour du jugement. Donc ces nourritures seront exclusivement pour eux le jour de la résurrection. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a déjà mangé et s'est déjà rassasié. Bien que cela n'était pas sa coutume, hein, mais des hadiths sont venus pour prouver qu'il a déjà mangé à en être rassasié. Et il a dit dans le hadith, lorsqu'ils furent nourris par Abu al-Haytham al-Ansari, il a dit quoi à ses compagnons? Par Allah, vous serez certes interrogé à propos de ces délices le jour du jugement. C'est-à-dire les choses qu'Allah te donne en bien, tu seras interrogé, qu'en as-tu fait? Hein? Et le remerciement, qu'en est-il? Donc cela démontre que le fait de se rassasier est permis. Ce n'est pas interdit. D'accord, ce n'est pas interdit. وجاء حديث أن رجلا كان يتجاشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ولو ترك ذكرها في ذلك الموضوع وهو محمول على ما ذكرناه آنفا من الأكل لقصد التسمن وليس الأكل حتى يشبع محرما وهو من حيث الصحة أدعى وأفضل وأحسن أنه ما يمتلي بطنه وكل حين وهو يأكل حتى يمتلي بطنه بغير انتظام الطعام. Donc il dit qu'il est venu un hadith qui a été rendu hassan par l'imam al-Albani qu'un homme rota près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, épargne-nous ton rot, car les gens qui sont le plus rassasiés en ce bas monde seront le plus affamés le jour de la résurrection. Donc déjà, ce hadith également vient pour montrer le côté makrouh du fait de roter. Comme ça, devant tout le monde, il y en a sans gêne, comme ça. Et également, cela démontre qu'il n'y a pas de preuve que certaines personnes aurait attribué au fait de roter de dire Alhamdulillah après avoir roté. Il n'y a aucun dalil là-dessus. Le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir roté. Donc ce hadith amène à la discrétion. Lorsque tu as mangé et que par exemple tu as des gaz, tu veux roter, fais-le discrètement. Épargne les gens d'entendre ce genre de son, voire même les odeurs qui pourraient en sortir. Donc il dit ce hadith-là est venu pour justement blâmer, comme il a dit auparavant le shir, les gens qui mangent dans le but de s'engraisser, de grossir. Le fait de manger jusqu'à être rassasié n'est pas interdit, ce n'est pas haram. D'accord, ce n'est pas haram. Mais par rapport au côté, au point de vue santé, cela est plus recommandable. Il est meilleur de laisser de la place dans le ventre, cela est meilleur plutôt que la personne se mette à remplir son ventre, de manger au point que son ventre soit rempli. Il mange constamment, sans avoir un bon suivi alimentaire. C'est-à-dire, il mange tout le temps. Non à des heures définies, à des temps définis, il mange tout le temps, sans cesse. Avoir le ventre tout le temps rempli. Cela n'est pas bon pour sa santé. Non. Et également, à sa religion. Comme des affaires sont venus de Salaf, que cela amène à ce que le cœur s'endurcisse. Cela a des conséquences sur le cœur. Et cela peut cela peut également provoquer de la fainéantise. Et ainsi de suite. Le shir va citer, Inch'Allah, quelques paroles. Donc il dit وَالْجِمَعُ وَالْكَثِيرُ أَيْضًا يُدَعِفُ الْحَافِظَةُ وَيُدَعِفُ الْكُوَّةُ وَيُهَرَّمْ صَاحِبَهُ بِسُلْعَةُ وَيَهْرَمْ صَاحِبُهُ بِسُلْعَةُ وَلَسِيَمَا مَعَ سُوءِ الْتَغْذِيَةِ بِسَبَبِ الْهَرَمِ وَحُجُمْ بَعْضِ الْأَمْرَادِ وَنَحُ ذَلِكَ. Donc il dit également le fait d'avoir beaucoup de rapports sexuels, cela est une chose qui affaiblit le système immunitaire. Je ne sais pas ce qu'on dit, le hafiza, ça qui veut dire le système immunitaire. Et également cela affaiblit la personne. Et se voit atteint de sénilité plus vite. C'est-à-dire quand tu deviens vieux, la vieillesse est une chose qui est inévitable. Cependant, des gens vieillissent bien et d'autres vieillissent mal. Donc là, on parle de sénilité, c'est-à-dire lorsque tu deviens une personne âgée, très faible, qui ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Donc cela, le fait d'avoir des rapports sexuels trop fréquemment, hein, cela en font des conséquences. Surtout du fait qu'il ait une mauvaise alimentation. Cela égale cause également qu'il soit atteint de beaucoup de maladies. Waitrol ta'am ala ta'am, et le fait de manger, d'avaler, d'accumuler nourriture sur nourriture. Walmirda ma tazalu mumtali'a wa huwa ya'kulu wa yu'abba fiha. Le fait qu'il accumule nourriture sur nourriture, hein, et que son estomac ne cesse d'être rempli, qu'il ne fait que manger. Wala yadri illa wa qad usiba bi su'd al-hadam. Imma min al-akl wa imma min umur ukhra tahsul laha. Donc là tu le vois atteint par exemple une mauvaise digestion. Et cela à cause par exemple de nourriture ou autre. Là, du fait qu'il ne laisse pas son estomac se reposer. Hein, des remontées de gaz, ce qui l'amène à rôter, ce qui cause également des indigestions. وَكَذَلِكَ يَشْعُرْ بِأَلَمْ بَعْدِ تَقْدِيرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ كُلُّهَا مِنْ إِدْخَالِ الطَّعَامَ عَلَى الطَّعَامِ. Donc également, il ressent des douleurs dans son estomac. Et cela après ce que Allah lui a décrété. Pourquoi ? Pour le fait d'avoir accumulé nourriture sur nourriture. وَالْحَدِيثُ فِي دَعْفٍ وَلَكِنَّ هَذِهِ فَوَائِدُ تَتَعَلَّقُ بِهَا بِمَا فِيهِ وَبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَعَ أَدِلَّةٍ أُخْرَى وَمِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَطِبَّاءِ. Donc ce hadith, bien qu'il soit faible, cependant, on peut en tirer des enseignements par rapport à la mauvaise alimentation et que cela est appuyé par d'autres preuves dans la législation. Et également par rapport aux paroles des gens de science et aux gens de science également par rapport aux paroles des médecins, hein, des médecins compétents de confiance. وقال ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن أسباب مرض الجسم وهرمه أربعة. ابن القيم رحمه الله تعالى a cité dans زاد المعاد que les causes de mauvaise santé pour le corps ainsi que sa défaillance sont de quatre. الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير. Donc le fait de beaucoup parler, de beaucoup dormir, de beaucoup manger et d'avoir beaucoup de rapports sexuels. Le fait de beaucoup parler, cela amène à des défaillances cérébrales. Également, cela affaiblit le cerveau. Et cela accélère justement la vieillesse. Et la trop grande quantité de sommeil amène à jaunir le visage, et aveugler le cœur, et à irriter les yeux. Et cause justement de la fainéantise face au travail. Et le fait de trop manger, également, cela amène à détériorer l'estomac, à affaiblir le corps, et à mener des odeurs désagréables. Et le fait d'avoir beaucoup de rapports sexuels, cela également nuit au corps, cela affaiblit, et déshydrate le corps, et amène de la relâche dans les nerfs. Parce que les nerfs se relâchent. Et ainsi de suite. Beaucoup de nuisances corporelles et sanitaires. Ces quatre points-là, qui sont le fait de trop parler, de trop dormir, de trop manger et d'avoir trop de rapports. J'aimerais citer ici, avant de finir, une parole d'Ibn Rajab dans Jamir al-Ulum wa-Hikam par rapport à ce hadith. Il dit: أما منافعه بالنسبة للقلب وصلاحه فإن قلة الغداء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس ودفع الهوى والغضب وكثرة الغداء توجب ضد ذلك. Donc là il rapporte une parole de Rajab similaire à la parole d'Ibn al-Qayyim dans Zadil Ma'ad lorsqu'il dit parmi les avantages du fait de ne pas beaucoup manger, en ce qui concerne le cœur, cela l'améliore. Cela adoucit le cœur et renforce la compréhension. Et cela amène à casser ton ego, inkisar al-nafs, hein, rabaisser l'orgueil et l'amour propre. Et cela également affaiblit les passions, les désirs ainsi que la colère. Et contrairement à cela, le fait de beaucoup manger amène le contraire de tout cela. Hein? Les conséquences du fait de trop manger amènent le contraire de toutes ces choses citées auparavant, qui amènent à durcir le cœur, qui amènent à accumuler les passions, qui amènent à affaiblir la compréhension, ainsi de suite. Donc de là s'achève l'explication de ces deux hadiths qui étaient courts, alhamdoulillah. Naam. Wa naqul alhamdoulillahi rabbil alamin.